défait notre amour et tricote un enfer plus sirupeux que sulfureux, mon cher. Fleur à la boutonnière, juste au-dessus de la poche revolver, revers de fortune à la une, mon cher. Peste du soir, bon soir, il se fait tard, je pars, je prends mes clics et même des claques, je te plaque, et toi tu te prends une veste du soir. Je prends mes clics et même des claques, je te plaque. Et toi...